Vous avez le projet de lancer une entreprise, d'acquérir une compagnie ou encore de développer votre entreprise? La SADC Maria Chapdelaine est présente malgré la crise de la COVID-19. Notre équipe peut valider une occasion d'affaires, rechercher du financement d'entreprise ou même participer financièrement dans certains cas. Contactez-nous au 88-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de souligner l'importance de la forêt pour la région dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et la forêt. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien sait ce que représente la forêt. La coopérative représente plus de 35 camionneurs, transporteurs et chargements de bois ainsi que des chargeuses en forêt. Les bureaux de la coopérative de camionnage sont situés au 905 boulevard Amel Saint-Félicien. Pour les rejoindre, composez le 88-679-4194. La coopérative de camionnage est très heureuse de souligner le mois de l'arbre. Une nouvelle quand même assez décevante. Une nouvelle qu'on s'attendait quand même, qu'évidemment, en raison de la crise du coronavirus, les activités des Canadiennes vont reprendre en septembre. Et question de savoir davantage pour savoir un peu son point de vue, on parle à Enoch Mwamba, qui se trouve à être le représentant des joueurs du côté des Alouettes. Salut Enoch! Salut vous, salut Danny, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Enoch, c'est une nouvelle qu'on s'attendait. Comment on vit ça du côté de l'association des joueurs du côté de la Ligue canadienne? Ben, ce sont des conversations qui sont toujours en train de se faire passer pour le moment, en ce moment vraiment. Il n'y a vraiment rien d'officiel et c'est juste une date, même le mois de septembre, c'est juste une date que je crois que l'association et la Ligue aussi sont en train de penser que ça serait la date idéale. Mais à la fin de la journée, c'est juste question de santé. La chose la plus importante, c'est question de santé, non seulement pour les joueurs, mais pour les entraîneurs, pour les fans aussi, possiblement. Alors, c'est ça la plus grande des choses. C'est tellement une situation unique que personne l'avait envisionné, personne n'y s'attendait. Et ce sont vraiment des choses qui sont en train de... Il y a plein d'informations qui changent chaque jour, chaque semaine, presque chaque mois aussi, depuis le début de la quarantaine. OK. Est-ce que vous voulez avoir des tests? Est-ce que l'association des joueurs, un peu comme on voit au baseball, c'est sûr que vous n'avez pas le même pouvoir, mais quand même, mais le baseball, le football et le basketball, les joueurs veulent être testés continuellement. Est-ce que c'est la même affaire du côté de la LCF? Pour le moment, je suis sûr que c'est quelque chose qui sera une possibilité. Comme j'ai dit encore, il n'y a rien d'officiel. Il y a plein de conversations qui peuvent faire avoir en ce moment. On a encore une autre réunion, une conference call à la fin de la semaine pour en discuter plus. Il n'y a rien d'officiel exactement pour le moment. Mais comme j'ai dit, la chose la plus importante, c'est la santé des joueurs, la santé des entraîneurs et puis la santé de tout le monde vraiment qui aide pour faire que l'expérience de chaque match soit la meilleure. Alors, on continue d'en parler et puis on va essayer de voir la meilleure façon de procéder. Et puis quand on va la trouver, c'est là qu'on va annoncer. Est-ce que du côté de la Ligue canadienne, les joueurs dans l'ensemble de ce que tu as vu, tu as parlé certainement à beaucoup de monde, parce que c'est quand même des emplois quand même, mais il y en a là-dedans qui travaillent aussi. Mais dans l'ensemble, est-ce que les joueurs veulent jouer en grande majorité? Est-ce que c'est... Oui, non, là, presque tout le monde que je parle, en tant que représentant pour mon équipe, je dois vraiment communiquer toutes les informations que je reçois de l'association des joueurs. Alors, j'en parle à presque tous les joueurs, et quand il y a des questions, c'est eux qui m'appellent aussi. Alors, j'ai parlé à tout le monde que j'ai parlé, ils ont tous envie de jouer. Donc, tous ont vraiment envie de jouer, moi inclus. Mais comme j'ai dit encore, personne ne va jouer sans que nous tous, on est sûr que on sera tous en santé et puis on n'aura pas de danger. À la fin de la journée aussi, il y a plein de décisions, Danny, qu'on ne peut pas prendre sans que le gouvernement nous donne permission. Alors, il y a plein de choses comme les joueurs. Les douanes, est-ce que c'est un problème? Américains doivent traverser la frontière. Non seulement ça, mais aussi on doit trouver... Parce qu'il y a des restrictions différentes dans chaque province. Alors... avant que ces choses, avant que la décision soit prise, qu'on peut commencer à jouer, on doit aussi être en même temps en accord avec les règlements et puis la loi avec le gouvernement. OK. Vous aviez parlé un moment donné, j'avais trouvé ça intéressant parce que je regarde, c'est le coronavirus, c'est beaucoup, beaucoup le Québec et l'Ontario, on se contente pas d'histoire. J'avais aimé beaucoup l'histoire d'aller jouer dans deux villes. Exemple, en Colombie-Britannique, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de cas. Ils ont enrayé ça de façon très positive. Est-ce que en Alberta, ça va quand même très bien également? Moi, j'aime ça l'idée d'aller jouer dans deux villes. Est-ce que ça, c'est ils mettent du monde? Parce que on se contente pas d'histoire. Dans les Canadiens de football, c'est pas comme les autres ligues. Vous avez pas un gros contrat de télévision. Donc, ça prend du monde dans les gradins. Est-ce que ça, c'est. Moi, je trouve ça très, très intéressant comme idée. Ouais, c'est absolument une possibilité qui est en train de discuter aussi. Comme j'ai dit au départ, si ça va être capable de se faire. On va bien sûr la ligue va devoir trouver un moyen de mettre toutes les équipes. Je sais pas encore exactement si ça va être les équipes de l'Est dans une ville de l'Est et les équipes de l'Ouest dans une ville de l'Ouest. On va devoir trouver un moyen. Ben la ligue va devoir trouver un moyen pour loger les équipes à une place, trouver exactement des places où les équipes vont pouvoir aussi pratiquer durant les semaines. Et puis on n'oublie pas aussi comme on est en train de parler. D'une façon où on va être capable de pratiquer safe et puis on sera capable aussi de rester en bonne santé en même temps. Donc il y a plein de choses qui doivent arriver avant même qu'on décide que on aurait une saison ou pas. Mais comme tu as dit, j'ai parlé à plein de gars et puis je crois pas que si ça c'est une décision ou la décision finale qui va arriver, qu'il y aura un gars qui va refuser. Mais à la fin de la journée, c'est ça la chose qui va nous aider à rentrer au terrain le plus vite que possible. Je suis sûr qu'il y a plein de gars qui sont d'accord avec ça. Parce que là, c'est parce que je veux pas dans l'Ouest, vous auriez pas de misère à faire à mettre du monde dans les gradins, même pour tous les matchs et ainsi de suite. Là. Donc ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Est-ce que pour la Ligue canadienne de football, si on annule la saison, est-ce que c'est une catastrophe? Parce que je sais que vous avez demandé de l'aide du gouvernement, Randy Ambrose l'a mentionné aussi. On parle de 30 millions de 30 à 150 millions si le gouvernement aide, mais si on annule la saison pour la Ligue canadienne, ça veut-tu dire que c'est la fin? Ben, j'ai vraiment pas la réponse à cette question-là. Ton opinion, hein? Ouais, ben c'est bien sûr que c'est pas la meilleure des choses qui peut se passer, mais la Ligue canadienne est juste comme un autre business dans ce pays. Nous tous, on est en train de passer à travers des moments vraiment très difficiles. Et puis, la Ligue canadienne de football n'est pas une exception. Alors, ça serait très difficile pour que on continue de l'avant. Mais, comme j'ai dit, je crois que on est dans une situation où, bien sûr, la Ligue a besoin d'aide du gouvernement. Et puis, en même temps aussi, on a beaucoup de supporters aussi qui aimeraient revoir le football rentrer au Canada, qui aimeraient voir les joueurs rentrer dans les villes. Parce que moi, je sais, moi, personnellement, dans chaque ville que j'ai joué dans ma carrière de 9 ans, j'ai toujours été impliqué dans les communautés où j'ai joué. Je sais beaucoup de mes coéquipiers aussi qui font la même chose. Donc, non seulement nous, on apprécie cette ligue, mais on adopte vraiment les villes où on part jouer. Alors, c'est quelque chose qui bien sûr va faire mal à la ligue, mais on essaie de rester positif. OK. Est-ce que du côté des joueurs, est-ce qu'ils sont payés dans ce temps-là, ceux-là qui sont. Je sais que la Ligue canadienne, c'est des contrats non garantis, mais quand il arrive une affaire comme ça, est-ce que les joueurs, la Ligue a une assurance pour assurer ça? Comment ça marche? Mais c'est ça le truc avec le football. C'est pas juste à cause de ça, mais ça a toujours été comme ça. Ça n'a jamais été un contrat garanti. Okay. Je sais pas si c'est une personne vraiment, okay. Mais. C'est toujours comme ça, que ce soit la Ligue canadienne ou même dans la NFL, c'est toujours été comme ça. Mais jusqu'à ce point-ci, si quelqu'un avait... Ça dépend de chaque contrat aussi. Mais jusqu'au point où le temps d'entraînement a commencé, avant ça, s'il y avait quelqu'un qui avait de l'argent qui devait qui devait se faire payer par une équipe. Ça s'est fait, mais bien sûr que au début de la du camp d'entraînement, comme on n'a pas été dans le camp d'entraînement, il y a personne qui vraiment qui se fait payer. Et puis tout le monde doivent regarder au gouvernement, et puis comme tout le monde dans le pays aussi. OK. Est-ce que le fait que la NFL, de toute évidence, il y aura une saison, c'est sûr qu'on ne sait pas s'il y aura 100 spectateurs, ça va vous mettre de la pression? Non, je crois pas du tout. On ne se compare pas vraiment à d'autres ligues comme telles. La NFL, j'ai déjà joué dans cette ligue-là, et je sais que c'est deux ligues complètement différentes, c'est deux markets complètement différents aux États-Unis puis au Canada. Alors, c'est vraiment pas la même chose du tout. Mmh. Alors, ce qu'ils vont faire là-bas, s'il y a des choses qu'on peut apprendre de la manière dont eux ils vont procéder, bien sûr qu'on va le faire. Je crois qu'on est en conversation aussi avec leur équipe là-bas de représentants des joueurs aussi. Mais à la fin de la journée, non. Si eux ils avancent de l'avant et ils trouvent une manière de continuer, c'est une bonne chose pour eux, mais ça va vraiment pas nous affecter nous. Okay. Ça aurait pu vous mettre de la pression. C'est sûr que c'est pas pareil du tout. La NCAA a annoncé qu'aujourd'hui, que s'il n'y aurait pas de saison, il perdrait 4 milliards. Donc, ça peut te donner une idée. C'est incroyable également. Ben, Enoch, on va surveiller le dossier de très, très près. J'espère. En terminant avec des questions qui viennent de m'arriver. Hier, j'écoutais Mathieu Proulx dans un podcast qui faisait RDS, puis il y avait un bon point. La Ligue canadienne de football, ça va peut-être parce que c'est beaucoup les revenus au guichet, votre source de revenus. Donc, est-ce que le fait que peut-être que de développer, comme Randy Ambrose a fait, de développer des partenariats avec différents pays, ça va faire en sorte que pour eux autres, le but éventuellement, c'est peut-être de dénicher un contrat de TV que la Ligue canadienne devienne plus mondiale et avoir plus de revenus. Est-ce que c'est quelque chose que du côté de l'association des joueurs qu'on parle aussi? Ben bien sûr, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe avec la ligue, ils doivent être en accord avec l'association des joueurs, et on a toujours eu des conversations aussi avec la ligue à propos de ça. Et c'est quelque chose qu'on encourage nous de notre côté. Bien que le plus grand que la ligue continue à grandir, ça sera bien pour tout le monde, non seulement les joueurs, mais beaucoup plus d'opportunités pour d'autres joueurs, mais aussi pour les fans. Je crois que ça va aider notre croissance au complet. Ben Enoch Mouemba, on va surveiller le dossier de très très près. Un gros, gros merci, puis bonne chance avec le dossier de la Ligue canadienne et sa survie. Merci beaucoup, Danny. Je voulais aussi vous dire que j'ai commencé un petit projet, moi, d'ailleurs, c'est en season, et puis je voulais juste partager avec tout le monde aussi. Oui. C'est un projet que j'ai commencé, ça fait presque 2 ans pour ce moment. Mais je me suis assis avec plein de personnes qui ont beaucoup de succès, et on a parlé des moments exactement qui les ont impactés et ils ont aidé à arriver au moment où ils sont arrivés. J'ai d'ailleurs fait sortir tous les autres plein d'épisodes la semaine passée quand j'ai eu la chance de m'asseoir avec Georges Saint-Pierre. C'est des podcasts que tu fais? Ouais, c'est un podcast. Alors, toutes les informations sont sur mon site internet, sur enochmouemba.com ou bien sur Instagram, @hebaramba. Est-ce que c'est des athlètes, c'est seulement des athlètes ou ça peut être des personnalités aussi qui ont dans le domaine des affaires, dans le domaine. Oui, pas exactement. Moi, j'ai trouvé que. La raison pour laquelle j'ai commencé ce projet d'abord, c'est parce que je voulais ajouter de la valeur dans les vies de chaque personne qui allait essayer de voir. Et puis la raison ou l'idée, la vision pour le projet, c'est que tout le monde puisse être capable de voir quelque chose et essayer de prendre quelque chose pour qu'ils puissent aussi appliquer ça dans leur vie à eux-mêmes. Et j'ai remarqué aussi dans ma carrière que pour apprendre quelque chose, pour grandir, pour avoir une croissance dans ta vie, c'est pas nécessairement juste dans ton industrie que tu peux apprendre. Alors je suis assis avec plein de personnalités différentes, pas seulement des athlètes. Je suis assis avec un joueur de football que j'ai joué avec quand j'étais dans la NFL. J'ai joué, maintenant qu'il il a son business à lui-même, il a parlé des moments comment il a fait la transition du football avec son business. Un de mes amis. Aussi un CEO aux États-Unis. Je suis assis avec Pepper Cornell. Lui, bien sûr, il a toujours des bonnes choses à dire. Et puis, comme j'ai dit, j'ai commencé avec Jean-Saint-Pierre. Il y a des acteurs, des Olympiens, puis il y a beaucoup d'autres personnes que je suis assis avec. Et je crois vraiment que ça va être quelque chose de bien pour tout le monde. On voit ici, là, je suis en même temps sur le site, mais est-ce qu'ils sont arrivés? Parce que là, ce que je vois dans la section interview, je vois des entrevues que tu as faites à TSN, mais je vois pas cette section-là que tu parles. Là. Je suis sur le site moinbas.com. Ouais, ça va se faire. Je sais pas si tu arrives à voir, mais ça devrait se mettre là. Mais si tu searches sur YouTube, tu vas aussi les voir. Ok. Donc, tu écris Mwamba Moments. Mwamba Moments. Ok, Mwamba Moments. Ben Enoch, on va te surveiller d'après, puis on va surveiller le dossier d'après de la Ligue canadienne de football, et évidemment. Et bonne chance dans ton nouveau projet, c'est un projet bien le fun. D'accord, merci beaucoup. Enoch Mwamba, des Alouettes de Montréal.